الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه النسائي وصححه الألباني. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإلا فعلى العكس خاب وخسر والعياذ بالله. أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأنها أعظم الحقوق. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا عباد الله من فوائد المحافظة على صلاة التطوع، كالسنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وغير ذلك. إن النقص الذي يحصل للمصلي في صلاته في فريضته بسبب ضعف خشوعه وعدم إقامتها وفق السنة وغير ذلك، يكمل يوم القيامة ويجبر بصلاة التطوع. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، serviteur d'Allah، d'après أبو هريرة رضي الله عنه qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour dernier concernera, parmi ses œuvres, concernera sa prière. Si elle est bonne, alors il aura gagné et réussi. Et si elle n'est pas bonne, alors il aura tout perdu. Et si sa prière vient à être manquante, c'est-à-dire qu'elle comporte des manquements ou des diminutions dans sa prière obligatoire, alors le Seigneur, Azza wa Jal, dira, subhanahu wa ta'ala, à ses anges: regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires pour compléter et parfaire les diminutions et les manquements qu'on retrouve dans sa prière obligatoire. Et il en sera ainsi pour le restant de ses œuvres. Rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et authentifié par l'Albani. Et d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur est la prière. Et la première chose dont la personne sera jugée concernant ce qu'il y a entre les gens, concernant les conflits, les problèmes entre les gens, ça concerne le sang, c'est-à-dire l'assassinat, les tueries, rapporté par Al-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. Le grand savant, le Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah, dit « La première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour dernier parmi ses œuvres, c'est la prière. Et ceci entre dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Si la prière elle est bonne, alors il aura réussi et gagné. Et si c'est le contraire, alors il aura tout perdu. Qu'Allah nous protège. Et concernant les droits des créatures, les droits des humains, la première chose sur laquelle il sera jugé concernera le sang effusé. Car elle fait partie des plus grands droits. Ici s'arrête la parole du Cheikh, rahimahullah. Voilà donc un des bénéfices et un des intérêts d'accomplir la prière surrogatoire, comme les rawatib, c'est-à-dire les prières surrogatoires avant et après les prières obligatoires, les prières de la nuit, la prière de Dhuha et plein d'autres formes de prières surrogatoires. Car le manquement, ce qui vient manquer dans la prière obligatoire, et ceci arrive à la personne qui accomplit la prière, à cause, c'est causé par quoi ? Par un manquement, une faiblesse dans son khushu', dans son humilité et sa concentration dans la prière. Et aussi son manque d'application d'une prière conforme avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des manquements lorsqu'on regarde la façon de pratiquer cette prière. Et plein d'autres choses de cause qui amènent à une imperfection et une diminution dans la prière. Donc le jour du jugement dernier, cela sera parfait, sera complété par les prières surrogatoires pour la personne qui aura ce souci. D'après le compagnon Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, certes le serviteur, il lui sera écrit comme récompense pour sa prière, le 10e de la récompense, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers, la moitié. Le hadith rapporté par Ahmed et rendu bon par Al-Albani. اللهم اردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر